Chapitre 13e, la bagarre. Un peu après le coucher du soleil, le soir où le rancho Denison fut mis à sac, un petit détachement de cavalerie régulière s'était avancé, en décrivant mince circuit sur ce terrain accidenté, vers l'affluent du Brazos, près duquel étaient campés les Comanches du chef Oweta. Hommes et chevaux étaient passablement harassés par une longue marche, bien qu'ils se gardassent avec soin, et qu'ils eussent des éclaireurs aussi bien sur leurs flancs qu'en tête et en queue, ils allaient sans grand ordre, à volonté, et l'on voyait bien qu'ils ne soupçonnaient pas le voisinage de l'ennemi. Il aurait été très difficile, sans doute, sinon impossible, de leur indiquer ce qu'en langage militaire on nomme une surprise. Mais personne n'aurait été plus surpris d'une tentative de ce genre que le major Bolton lui-même. « Encore un effort inutile, Dave, » dit familièrement le major, au scout qui chevauchait à son côté. Ils ont du nez, ces chiens, et jamais ils ne nous attendront à portée de la lance. J'ai perdu tout espoir et je n'y pense plus. On dirait que ces Comanches ont pris leur vol en ballon, tant on perd complètement leurs traces. Ils pourraient bien ne pas être si loin que ça en allèrent, répondit l'éclaireur. Si le temps n'avait pas manqué, je me serais chargé de les dépister. Il ne suffit pas d'un haut plat, d'un claquement de langue et d'un saut pour tomber au milieu d'eux. Et vous ne ramasserez pas un Comanche à chaque coup de filet. Cependant, je soupçonne fort qu'il y a des chances d'en trouver dans les environs. Si mon vieux nez ne me trompe pas, je les flaire dans la brise du soir. Avec votre autorisation, je vais me glisser à terre et inspecter le voisinage. Certainement, mais je pense que vos soupçons sont mal fondés. Je crois que les Comanches ne se trouvent que sur leur territoire de chasse, là-bas, au nord-ouest. Ça se peut, major, reprit le scout, mais c'est toujours une bonne chose d'aller au renseignement. « Gardez vos hommes groupés ici un moment, jusqu'à ce que je revienne. Je sens dans mes os qu'il y a des peaux rouges par ici. » Sur cette assurance, l'éclaireur Delaware Dave mit pied à terre et disparut en se glissant parmi les herbes. Les cavaliers attachèrent leurs chevaux au piquet et formèrent, dans le plus grand silence, un campement improvisé. Le lecteur sait déjà le résultat de la reconnaissance faite par Delaware Dave. Il ne fut pas long. Après avoir quitté le petit bois, à reparaître dans le camp du major Bolton, riant tout bas de son aventure et tout excité à l'idée de donner bientôt des coups aux Indiens, assez nombreux d'ailleurs, pour soutenir un combat acharné. Comme Oweta l'avait prévu, il fallut un peu de temps pour se former en ordre de marche et combiner le plan d'attaque. Puis, les soldats se mirent silencieusement en mouvement avec la consigne de tuer tout ce qu'on ne pourrait pas faire prisonnier, car Delaware Dave avait positivement affirmé que c'était une bande hostile, revenant d'une incursion heureuse dans le sud-ouest, chargée du butin et de chevelure. Mais ils avaient à peine quitté leur campement qu'ils entendirent derrière eux le galop d'un cavalier qui s'approchait seul et qui répondit « Ami, ô qui vive de l'arrière-garde !» C'était Harper Clyde. Il bondit dans le rang et vint se mettre à côté du major Bolton. « Si c'est contre les Comanches que vous marchez, dit-il, laissez-moi aller avec vous, monsieur. J'ai une dette de vengeance à leur payer. » Ils ont massacré des amis à moi, et je crois qu'ils emmènent avec eux comme prisonnière une personne que je donnerai ma vie pour sauver. Venez avec nous, et soyez le bienvenu. Vous verrez quel rude coup savent donner les braves jaquettes bleues de l'oncle Sam. Quels prisonniers ont-ils? Je n'en sais rien d'une façon certaine, car j'ai perdu la piste, ne les suivant qu'au jugé. Et je n'ai pas encore aperçu un seul de ces pillards rouges. Mais je peux vous dire qu'ils ont mis à sac et brûlé le rancho du juge Denison, et qu'ils entraînent en captivité sa femme et sa fille adoptive, Madge. La pauvre fille, elle a de terribles raisons pour maudire ces démons sanguinaires. C'est eux qui déjà, lorsqu'elle était toute petite, égorgèrent ses parents et ses amis, et qui l'auraient égorgée elle-même, sans la bravoure et le dévouement d'un garçon qui n'était alors qu'un enfant, et qui en ce moment est certainement aussi sur leur piste pour la sauver de nouveau. Lorsque Harper Clyde eut ainsi conté son histoire, le major lui posa quelques questions rapides et précises auxquelles il répondit brièvement de son mieux. Puis on commanda de nouveau le silence et le détachement se prépara à l'attaque. Ils approchaient du bouquet d'arbres en suivant la rive sur laquelle ils croyaient les Comanches camper. Delaware Dave avait pris avec lui deux hommes et remontait l'autre rive pour tâcher de sauver les femmes dans la confusion produite par la première charge des assaillants. Lorsque le major Bolton et sa petite troupe furent parvenus graduellement et prudemment tout près de la retraite supposée des peaux rouges, l'officier donna un ordre à voix basse et tous se précipitèrent au galop, lançant coup sur coup des volées de mousqueterie dans les rangs des ennemis qui accouraient pour les repousser. mais au lieu du hurlement de guerre des Comanches, ce furent les cris aigus et les rauques hurrahs des bandits du Mexicain Mendez qui s'élevèrent. Ils venaient d'arriver au campement, désappointés de n'y pas trouver les Indiens, qui, pensaient-ils, avaient pris la fuite à leur approche, croyant que c'était l'ennemi. Ils étaient loin de s'attendre à être attaqués, mais ils se remirent promptement et firent bravement tête. Cependant, l'élan des cavaliers les avait portés jusqu'au milieu des bandits et le combat s'engagea corps à corps. Ce ne fut que lorsque les éclairs répétés des armes à feu leur eurent permis de voir les visages de leurs adversaires que les soldats du major Bolton comprirent que c'était un camp d'hommes blancs et non pas de Comanches qu'ils venaient d'envahir. Il en résulta une hésitation qui aurait pu dégénérer en confusion et en déroute si la voix de Harper Clyde, dominant le fracas de la bataille, n'avait crié « En avant, c'est la bande d'El Culebra, le bandit, ils sont ligués avec les Comanches !» Et comme un écho, retentit le commandement du major Bolton « Chargez à fond, prenez tout, mort ou vif !» Les cavaliers, ralliés et raffermis, s'élancèrent de nouveau. Ils savaient que ce qu'ils avaient à faire n'était pas un jeu d'enfant, car les forces des deux parties paraissaient à peu près égales, et l'on entendait la voix de Mendez excitant ses hommes au combat. Cependant, le Mexicain avait son idée, et ses ordres d'aller de l'avant n'étaient qu'un stratagème de stratégie. Ses hommes avaient leurs chevaux de l'autre côté du cours d'eau, et en même temps que ces bruits en encouragement à la lutte, ils faisaient discrètement passer dans leur rang le commandement de franchir le torrent et de battre en retraite.